Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس Les sentiments Les sentiments وجود رغبة Avoir envie Avoir envie. لدينا الرغبة. Nous avons envie. Nous avons envie. ليس لدينا رغبة. Nous n'avons pas envie. Nous n'avons pas envie. الإحساس بالخوف. Avoir peur. Avoir peur. أشعر بالخوف. J'ai peur. J'ai peur. لا أشعر بالخوف. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. توفر الوقت. Avoir le temps. Avoir le temps. لديه وقت. Il a le temps. Il a le temps. ليس لديه وقت. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. الشعور بالملل. S'ennuyer. S'ennuyer. هي تشعر بالملل. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie. هي لا تشعر بالملل. Elle ne s'ennuie pas. Elle ne s'ennuie pas. الشعور بالجوع. Avoir faim. Avoir faim. هل أنتم جوعى؟ Avez-vous faim? Avez-vous faim? هل أنتم غير جوعى؟ N'avez-vous pas faim? N'avez-vous pas faim? الشعور بالعطش. Avoir soif. Avoir soif. هم عطشى. Ils ont soif. Ils ont soif. هم غير عطشى. Ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif.